La Reine morte. Drame en trois actes d'Henri de Monterland. Acte premier. Premier tableau. Une salle du Palais Royal à Montemor au vélo. Je me plains à vous, je me plains à vous, Seigneur. Je me plains à vous, je me plains à Dieu. Je marche avec un glaive enfoncé dans mon cœur. Chaque fois que je bouge, cela me déchire. La pauvre, regardez comme elle a mal. Elle est toute pétrie d'orgueil, et c'est son orgueil que ce glaive transperce. Oh, comme elle a mal. Ah, elle est de Navarre. Vous êtes venu, Seigneur, dans ma Navarre, que Dieu protège, pour vous y entretenir avec le roi, mon père, des affaires de nos royaumes. Vous m'avez vu, vous m'avez parlé. Vous avez cru qu'une alliance entre nos couronnes par l'instrument du prince, votre fils, et de moi, pourrait être faite pour le grand bien de ces couronnes et pour celui de la chrétienté. Vous deux, les rois, vous décidez d'un voyage que je ferai au Portugal, accompagné de l'infant mon frère, peu après votre retour. Nous venons. Nous sommes reçus grandement. La froideur du prince à mon égard ne me surprend ni ne m'attriste, j'avais vu plus loin. Au-delà de lui, je voyais l'œuvre à faire. Trois jours se passent. Ce matin, Dom Pedro, seul avec moi, me fait un aveu. Il plaide n'avoir su vos intentions qu'à votre retour de Navarre, lorsqu'il était trop tard pour revenir sur notre voyage. Il me déclare que son cœur est lié à jamais à une dame de votre pays, Doña Inès de Castro, et que notre union n'aura pas lieu. Je crois que si je ne l'avais retenu, il m'eût conté ses amours de bout en bout et dans le détail. Tant les gens affligés du dérangement amoureux ont la manie de se croire objet d'admiration et d'envie pour l'univers entier. Ainsi, on me fait venir comme une servante, pour me dire qu'on me dédaigne et me rejeter à la mer. Ma bouche sèche quand j'y pense. Seigneur, savez-vous que chez nous, en Navarre, on meurt d'humiliation ? Don Guzman Blanco, réprimandé par le roi Sanche, mon grand-père, prend la fièvre, se couche et passe dans le mois. Le père Martorel, confesseur de mon père, lorsqu'il est interdit à une éruption de boutons sur tout le corps et expire après trois jours. Si je n'étais jeune et vigoureuse, Seigneur, de l'affront que j'ai reçu du prince, je serais morte. Mourir d'honneur blessé, c'est bien la mort qui convient à notre enfant. Elle est toujours crucifiée sur elle-même, et elle éparpille le sang qui coule de son honneur. Ah, c'est qu'elle est de Navarre, notre infante. J'ai laissé parler l'infante. Sa sagesse est grande, et sa mesure. J'ajouterai seulement qu'il en est de nous comme d'un arbuste dont on veut brutalement arracher une feuille. On arrache une seule feuille, mais tout l'arbre frémit. Ainsi, de l'outrage fait à l'infante, toute la Navarre est secouée. Par respect et par affection vraie pour votre majesté, nous préférons nous contenir dans la stupeur, de crainte de nous déborder dans le courroux. Si moi, le roi, je vous dis que je comprends votre mal, et si votre mal n'en est pas adouci, à votre tour, vous m'aurez offensé. Votre mal est le mien, je ne puis dire plus. Quand je revins de Navarre et annoncer au prince mes intentions, je vis bien sa contenance qu'il en recevait un coup, mais je crus qu'il n'y avait là que l'ennui de se fixer et d'entrer dans une gravité pour laquelle il n'avait pas de goût. Doña Inès de Castro ne fut pas nommée. Il me cacha son obstination. Et c'est à vous qu'il la jette, avec une discourtoisie qui m'atterre. Ce n'est pas la femme qui est insultée en moi, c'est l'infante. Peu m'importe le prince. Don Manuel, allez avertir le prince. Et introduisez-le quand les Altesses royales seront parties. Seigneur, laissez-moi retourner maintenant dans mon pays. Dans mon pays où on ne m'a jamais insulté. C'est la Navarre que j'aime. Le vent d'Est qui m'apporte la brume de neige de mon pays. Mais plus doux que le souffle odorant du Portugal et de ses orangers. Le vent qui vient de Navarre. Partir, tout ce que nous perdrions, tout ce que vous perdriez. Plutôt perdre que supporter. L'infante n'avait pas tendu Navarre lorsqu'elle était en Navarre. Ni le froid, ni la brume de neige. Quel merveilleux changement en faveur de notre Navarre. De grâce, infante, restez quelques jours encore. Je vais parler au prince. Sa folie peut passer. Si Dieu voulait me donner le ciel, mais qu'il me le différa, je préférerais me jeter en enfer à devoir attendre le bon plaisir de Dieu. Vous aimez d'avoir mal, il me semble. J'aime un mal qui me vient de moi-même. Et puis la Navarre est un pays dur. Les taureaux de chez nous sont de toute l'Espagne ceux qui ont les pattes les plus résistantes parce qu'ils marchent toujours sur de la rocaille. Restez jusqu'au terme des fêtes données en l'honneur de vos altesses. Si Don Pedro était irréductible, vous partiriez. Mais tout scandale serait évité. Je ne revivrai que lorsque nos navires se mettront à bouger vers mon pays. Est-il donc trop dur pour vous de composer votre visage pendant quelques jours ? Trop dur ? Mira, admira comme elle dresse la tête avec la brusquerie de l'oiseau de proie. Oh, la petite fière! Vive Dieu, elle est de Navarre. Ne pouvez-vous pendant quelques jours contraindre la nature? Il y a quelque chose que je ne pourrais pas. Soutenir longuement la conduite la plus opposée à son caractère, quelle fatigue, mais quel honneur! Vous êtes aussi grande que vous êtes noble. Don Pedro est là, il va m'entendre. Peut-être ce soir même le destin aura-t-il changé de route. Vivez de longues années, ô ma jeune princesse. Votre exaltation était pareille à celle de la vague qui se soulève. Avec elle, vous nous avez tous soulevés. Dites plutôt que je vive éternellement, pour avoir le temps d'accomplir toutes les choses grandes qu'il y a en moi, et qui, dans l'instant où je parle, me font trembler. Vous vivrez, et vous vivrez lavé. On croit mourir de dépit et de rage, et rien ne passe comme une insulte. Si Dieu veut, je serai guéri par mes choses grandes. Par elles, je serai lavé.